boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Pour débuter ce 354e Pop and Rock sur la très locale RVR, puisque nous découvrons que le 6 février dernier, les Irlandais des Clockworks sortaient le magnifique Magnificent Sevens qui ouvre votre Pop and Rock, et donc 2026 sera peut-être aussi bon musicalement que 2025, année de notre rencontre avec le trio des Clockworks. Surprise! What's the difference between comedy and tragedy? No, the only difference is the context of the agony. De l'Irlande à la France, il y a tout un monde, surtout si on passe comme ça des Clockworks au très déjanté Yoko Ono. Ouais, Yoko Ono vient de Bordeaux, enfin des bars de Bordeaux. On y est passé il n'y a pas longtemps, on les a loupés, alors ce soir, on leur fait la place. À l'honneur dans le rock and folk de mars, le trio bordelais de Yoko Ono est aussi dingue que la jaquette de leur dernier EP, dont le titre est inspiré de la télé d'aujourd'hui, mais aussi d'un titre de Dutron. Ouais, ça pète aussi des neurones sur Bordeaux. Ridiculous, your pain in another way. Go! Hanging out with people a bit too great. Because you. Behind the cops, but now you understand, mate. Oh yeah, not be yourself. No need to follow that fucking clown. Bordeaux, lieu culte du désir noir pour les rockers moyens, patrie de l'orchestre poétique d'avant-guerre pour les plus pointus, Bordeaux est aussi la terre de Yoko Ono. Alors oui, John Lennon, ouais, c'est le nom du leader des Yoko Ono. Ils ne réinventent pas le rock, mais au moins, ils font du rock. Les Salazar walks in the bar. But every night it's like fighting a war. Alors là, je sens qu'il faut un peu reprendre pied, et dans ce cas, rien de mieux que les Teutons, surtout quand Pink Turns Blue nous offre de les suivre dans leur dernier album. Alors ce n'était pas prévu au moment de programmer votre Pop and Rock, mais ce soir le rock français va être à l'honneur, car après les Yoko Oh Oh No de Bordeaux, fonçons à Douarnenez pour découvrir les amoureux de King Gizzard and the Lizard Wizard, voici les Mansions Cellar. 49 minutes de musique psychédélique, voici les tout neufs Motions Cellar, 5 garçons dans le vent breton finistérien qui atterrissent quelques instants dans Pop and Rock. Mommy, I feel sorry to make you worry. Welcome to my privilege, never and never hurry. Super cheap flow, don't wanna lose it up. But fear, people's lack of like a national sport. Okay. Yeah, I've been suited well. Listen up, I put chili sauce on my pocket. You see the policeman sitting in front of the market. Sometimes you win, sometimes you lose. Bring me the wine while a nice on the douche. Don't you forget it and follow the rules. I guess I've got the goods, I'll bring them to the rendezvous. Am I a loser? Am I a loser? 2883, I got some clown and a boo. Who's the driver? Who's the driver? And if I've got the goods, I'll bring them to the rendezvous. Everybody here's a local hero. Needing a grand, need to get two euros. Crying the G-word too many years in a row. I got my time to think about those hellos. Straight ahead of loafing class with loads of friends. I think plenty my guys knows ABC like JVSV. Sometimes you win, sometimes you lose. Thank you for the tip, at least I'm tying my shoes. I love your football speech like Alleluia Foot. I hope it engraves me rhymes in a booth. I hope it makes me ride on the roof. Am I a loser? Hey, am I a loser? 2883, I got some clown in a booth. Who's the driver? Who's the driver? I guess I've got the goods, I bring it to the rendezvous. Am I a loser? Am I a loser? 2883, I got some clown in a booth. Who's the driver? Who's the driver? And if I've got the goods, I bring it to the rendezvous. Am I a loser? Am I a loser? 2883, I got some clown in a booth. Who's the driver? Ouais, ok, ça chante en anglais, mais je crois bien qu'il va falloir se faire une raison, puisque depuis déjà des années, nos meilleurs représentants rock français ont fait le choix de Shakespeare, de Stuck in the Sound à Drycan, en passant par Raskolnikov. Alors continuons sans regret avec un troisième titre des Français de Motions Cellar. The presence waits, weigh my brain. Is the sun starting again? 'Cause I'm always on the ready. Out. Am I invited? The real's out. I feel excited. Perso, les petits rockers commençant comme des stars finies, je ne suis pas fan. Alors quand j'ai lu la bio et vu les photos du dénommé Ethan Ramone, j'ai failli craquer. Et puis j'ai écouté. There's a man who lives next door. He works the till at the dollar store and walks his Maltese up and down the street. He smiles, I smile back. We shoot the breeze on New Year's plans, and I don't know why, but I just want the dog to die. There's a girl who's big online, with a bully who walks on its high, and they dance to the radio songs, and everyone follows along. I find I like her too, and sometimes I leave like as proof, but deep in my mind, there's a man who lives next door. He starts work at 8 and gets off at 4 to walk his Maltese up and down the street. Gold star, where's my gold star? Ethan Ramone et Sam Yu, cœur double des Sops, surprenant, revitalisant, même si leurs inspirations viennent de leur noirceur la plus profonde. Mais les plus grands ont usé de la petite blancheur pour nourrir leur monde imaginaire. Et puis, qui sommes-nous donc pour juger ? Can I wash your hair just for time's sake? Can the thoughts we share bring us face to face? 'Cause how could Frida paint the wounded deer when I can't catch my breath? How could she draw those bullet holes without losing her head? If all their hearts broke just like mine, there'd be no classic works of art. They'd all just rot in bed and trace their fingers over. Yeah. Ce soir, Pop'n Rock vous a donc proposé The Dogs Dies in the End, Gold Star et à l'instant Blitz Again, les trois premières pistes du premier album des Sofs. Si vous avez aimé, à vous d'aller gratter la suite. Oh, nous, on a fait notre part du colibri. Supposed to do.